L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jeanne Champagne, notre première invitée en studio avec le spectacle Les Années. C'est une création pour cette saison 2015-2016. Je disais dans mon sommaire sur un texte d'Annie Ernaux, un livre qui a été publié en 2008. Il est question d'une adaptation de ce texte et d'une mise en scène donc que vous avez signée, et plus que cela, Jeanne Champagne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va peut-être, avant de parler du spectacle lui-même, il me semble bien utile de parler aussi de votre rencontre avec l'auteur, car il s'agit bien d'une rencontre. Le spectacle qui va être présenté prochainement, c'est presque un prolongement d'une rencontre que vous avez fait avec Annie Ernaux depuis plusieurs années. Oui, il y a une quinzaine d'années, nous nous sommes rencontrés. Avec bonheur, c'est-à-dire que je venais juste de mettre en scène la trilogie de Jules Vallès, L'enfant, le bachelier, l'insurgé, que nous avons beaucoup joué, plus de 300 fois à la cartoucherie et en tournée. Et donc, je cherchais, à partir de cette trilogie qui racontait quand même l'histoire, une histoire intime et politique, hein, puisque tout le monde connaît la trilogie de Vallès, eh bien... J'ai lu Les Armoires vides, j'ai eu un choc et j'ai dit « mais c'est le Jacques, personnage principal de la trilogie, c'est cette Denise Le Sûr qui était dans Les Armoires vides et donc le personnage contemporain, en féminin ». Voilà, j'avais envie d'aborder le féminin et donc j'ai tout simplement écrit à Annie Ernaux. Elle m'a répondu, nous nous sommes vus, j'ai dit voilà, il y aura une création à la cartoucherie à partir donc de l'événement et des armoires vides, je vais faire un montage et à partir d'un autre livre également, ce qu'il dit ou rien. Et j'ai dit voilà, j'aimerais faire ce travail, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a laissé une grande liberté, elle est venue voir le travail, elle a beaucoup aimé et notre collaboration a commencé. Vous dites d'ailleurs à propos d'Annie Ernaux qu'elle vous accompagne depuis plusieurs années, au-delà de cette première rencontre, à la fois en tant que femme de théâtre, mais également en tant que femme. Vous pouvez préciser justement, est-ce que c'est pour des raisons différentes ? Non, voilà, je vais le dire. C'est-à-dire que pour moi, la littérature m'a toujours accompagnée. Je veux dire, les livres, les écrivains, les écrivaines sont des amis qui nous aident à nous construire. Vous aviez d'ailleurs travaillé sur des textes de Marguerite Duras précédemment. Voilà, exactement. Et c'est réellement... je pense que c'est fondamental. On ne peut pas... Enfin, bon, je pense que le cinéma, pour d'autres, ou la musique, par exemple, le rock a été très important aussi dans ma vie. Donc, on se construit à travers les rencontres réellement physiques, amicales, amoureuses, mais également à travers la littérature qui nous aide... à comprendre que nous ne sommes pas seuls à éprouver ces choses-là. Parfois, on a honte de certaines choses et on se rend compte qu'un personnage dans un livre, par exemple, l'éducation sentimentale a été un livre pour moi très important. Voilà, on se construit avec aussi la littérature. Donc, en tant que femme, j'irai plus loin parce que Annie Ernaux est parmi les premières militantes, je dirais. Moi, j'arrive après, mais j'ai beaucoup milité. Donc pour la libération de la femme, donc je sens cette amitié, cette sororité avec ces premières militantes qui ont vraiment été, je dirais, ont fait un travail absolument remarquable. L'œuvre littéraire, pour ceux qui ne le savent pas, d'Annie Ernaux, est essentiellement, pour l'essentiel, autobiographique. Alors, je vous dites d'ailleurs à propos de son écriture, de cette littérature, elle pose un regard incisif et sans concession sur elle et sur le monde. Car il s'agit bien de cela, c'est pas simplement un regard sur le monde, comme pourraient le faire des sociologues, en prenant toute la distance et même en étant un peu à l'extérieur de leurs observations. Là, il y a un croisement permanent entre son intime, son intimité, sa vie personnelle, son parcours de femme et d'écrivaine. Oui, c'est ça qui est formidable dans son écriture. C'est ça qui est fort, c'est ça qui a fait que on a été arrêté. Elle a choqué des gens parfois. Oui. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est une écriture par corps, c'est-à-dire c'est une écriture qui traverse son propre corps et à partir de sa propre expérience, je dirais. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. Elle l'objective pour que nous nous reconnaissions tous et toutes dans cette expérience, et nous nous reconnaissons. Et donc cette distance, cet aller-retour entre cet intime et, je dirais, le social, crée quelque chose, c'est pour ça que je parle toujours d'intime et politique dans son écriture, c'est-à-dire qu'on s'interroge en permanence, et on a la sensation, quand on lit les livres d'Annie Ernaux, que c'est sa propre expérience, et donc elle parle à chacun de nous et à chacune de nous. Mmh. Et c'est ça la force, la grande force de son écriture, et d'avoir la conscience, je dirais, de cette... ayant été elle-même traversée par une déchirure sociale, hein, on dirait une sorte de schizophrénie sociale, elle parlait d'elle comme une émigrée de l'intérieur, elle a une conscience aiguë de ça et elle le met en mots. Mmh. Et donc, nous sommes reconnus, toute une génération, mais aujourd'hui, toute une jeune génération peut se reconnaître dans cette façon d'être, dans cette terminologie immigrée de l'intérieur. En parlant de son écriture, elle parle elle-même, elle définit à sa manière, écrire ce n'est pas laisser sa trace en tant que nom de famille, en tant que personne, c'est laisser la trace d'un regard sur le monde. Ça a été aussi un déclic, un déclencheur pour travailler, vous emparer de ces différents textes. Oui, parce que le théâtre, c'est une caisse de résonance du monde. Nous, on cherche comment, on a cru dans les années 70 qu'on allait transformer le monde. Mais on cherche comment, alors il y a ceux qui le font par la politique, par la littérature, Annie Ernaux le fait par l'écriture. Moi, je suis une femme de théâtre, donc je cherche, j'ai besoin de textes qui parlent, qui me parlent et me parlant parlent aussi. Aux autres et parle du monde, parce qu'elle ne fait, étant donné qu'elle a traversé ce siècle, Annie Ernaux, elle nous parle de toute la contention que nous avons vécue, je veux dire, avant 68, quand même. Et je pense, si vous pouvez me permettre, que maintenant, vu qu'il y a un retour à une pensée quand même nauséabonde, on a entendu des retours de pensée de Vichy, il me semble aujourd'hui très intéressant de faire à nouveau réentendre Annie Ernaux. De la faire entendre, pas réentendre, parce que plein de gens ne la connaissent pas. Et ça, c'est assez fondamental. Par exemple, pour vous donner un exemple par rapport aux années, on parle beaucoup de la vie sexuelle clandestine, soumise, bien sûr, à interdiction de l'avortement, totalement illégale. Et là, quand récemment, au niveau des élections, on a entendu Marion Maréchal Le Pen parler de fermer le planning familial en PACA, parce que c'est un nid politique, alors que ces femmes sont, c'est action militante et fondamentale pour toutes les jeunes gens et jeunes filles d'aujourd'hui, là, je me suis dit que c'était très, très important de faire réentendre ces textes. Mmh. On voit bien que ça nourrit à la fois votre réflexion artistique, mais également politique, en tant que citoyenne, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment, en tant que citoyenne, là où la force d'Annie Ernaux, je tiens à le dire, elle parle toujours du légitime et du légal. Et elle en fait bien la différence. Et donc, ce qui est légitime en tant que citoyenne, elle fait tout par son écriture et par son action de militante pour que ça devienne légal. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Dans son œuvre dont il est question, je disais, peut-être une vingtaine d'écrits autobiographiques de mémoire, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Les années, qui a été récompensé, je le précise, en 2008 et 2009 par plusieurs prix. Il s'agit d'une fresque qui parcourt un demi-siècle de la grande histoire. On part de l'après-guerre jusqu'à l'ère Internet, c'est ça ? C'est ça, mais nous nous attachons, alors je le dis, à la première partie, uniquement la première partie. Nous allons donc de 40, donc sa naissance, aux années 75. Voilà, donc c'est une adaptation scénique, hein, où bien sûr se mêle, on essaie de trouver, d'inventer la forme, parce que c'est ça qui est assez fort dans Annie Ernaux, c'est que son écriture a évolué bien sûr incroyablement depuis les armoires vides jusqu'à cette écriture beaucoup plus, on appelait l'écriture plate de la place. Maintenant avec les années c'est une forme, elle a inventé une forme. Donc pour nous, ayant mis en scène déjà des textes d'Annie Ernaux avec une certaine forme, il fallait en inventer aussi une autre. Et donc, je pense que c'est un spectacle qui est très plein d'humour, d'émotion, de gravité, et tout à fait passionnant à voir pour tout le monde, toutes les générations confondues. Mmh. Elle nous plonge à la fois dans la mémoire, parce qu'effectivement, quand on parcourt cette séquence longue de l'histoire, de notre histoire contemporaine, c'est un parcours dans le temps, mais aussi parfois dans la mélancolie, et non pas dans la nostalgie. Voilà, s'agiter. Parce que je pense que le propre des grandes œuvres, ce sont des mélancoliques, et donc il y a, à partir du moment, là, il y a cette citation de Tchekhov, au début, il y a quand même qu'est-ce que c'est que notre vie, qu'est-ce que c'est que notre histoire, on nous oubliera, ça commence comme ça, on nous oubliera, et après c'est qui donc pourrait nous oublier, il y a quand même une question, cette question, et je trouve ça, cette sensibilité, c'est ça qui fait sa force, c'est que ça n'est pas uniquement didactique et politique l'écriture d'Annie Ernaux, il y a une immense sensibilité qui est toujours là, mais qui ne se répand pas. Mais qui est à fleur de peau. Voilà, c'est une écriture de chair. Hein. En même temps, la femme de théâtre que vous êtes, est-ce que c'est facile de s'emparer de textes qui ne sont pas au départ dédiés au théâtre, à une écriture théâtrale ? Alors, je veux dire la vérité, c'était beaucoup plus simple. J'ai toujours travaillé sur des textes. Les textes de Vallès n'étaient pas faits pour le théâtre et je mets les textes debout. J'adore cette façon de travailler puisque j'étais formée par Vitesse, faire théâtre de tout. Mais que ce soit l'événement, les armoires vides, la femme gelée, passion simple, c'était comme une évidence. En revanche, les années m'ont demandé une construction. Et un type de travail beaucoup plus compliqué, parce qu'on voit à quel point elle a mis 20 ans, enfin 15-20 ans à écrire les années, on voit à quel point elle a cherché cette forme, et donc il fallait que nous passions par ce même travail, c'est-à-dire je ne pouvais pas refaire ce que j'avais fait. Et comme elle me disait, on s'est vu récemment, au niveau de l'écriture, elle n'allait pas refaire ce qu'elle avait fait, donc inventer quelque chose. Et donc, je le dis, mais on est arrivé à quelque chose de tout à fait... Qui me plaît beaucoup. Pour la forme, vous mêlez les mots, les textes d'Annie Ernaux aux images d'archives. Voilà. Vous avez rêvé, je vous cite, d'un spectacle où se croisent chorégraphie, texte et chansons scandés par des images d'archives, des photos, des diapos, des vidéos, des spots publicitaires. Tout cela sous la forme d'une polyphonie de voix, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est absolument ça. Et donc, c'est pour ça que quand je parle de construction, c'est que le public va vivre ça complètement sur plusieurs écrans, sur le plateau, au micro, avec des spots de la radio de l'époque, et des archives bien sûr, et donc tout se mêle et on revit complètement quelque chose, et donc nous, une génération va revivre bien sûr un pan de notre histoire, l'histoire intime et grande histoire, mais plein de jeunes filles et de jeunes gens vont vivre peut-être ce que déjà on leur a raconté, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, je ne sais pas, mais sous une forme sensible, et je pense qu'ils se poseront des questions. C'est moi le désir que j'ai en faisant ce travail, c'est pour créer une rencontre et un questionnement par rapport à cette époque où on voudrait nous dire maintenant que vraiment on a tout détruit, quoi, dans les années 68 et 70, et non. Et non, toute cette jeunesse aujourd'hui, beaucoup de choses viennent de là. Il ne s'agit absolument pas de jouer les anciens combattants, les anciennes combattantes. Il faut simplement de dire, soyez vigilants. Soyez vigilants, c'est très important. Pas de nostalgie, j'ai bien compris, mais un chant nécessaire à faire entendre encore aujourd'hui. Pour le coup, à toutes les générations, parce que certains ont perdu la mémoire ou cette mémoire ne s'est pas transmise, ce spectacle, c'est un petit peu l'idée de transmettre. Ah oui, oui, moi je suis une femme de transmission, Annie Ernaux aussi, et nous nous sommes rencontrées sur ce désir-là. Et je pense que toute une génération, bien sûr, nous allons bientôt partir. On voit déjà, moi par exemple, j'ai été très troublée par la mort de David Bowie parce que j'étais à Berlin au moment où il a enregistré Heroes. Et donc, on voit bien que maintenant, toute une génération s'en va. Donc notre devoir, et je le dis sérieusement, est de transmettre ce que nous avons vécu, traversé, et voilà, simplement pour la transmission, pour le bonheur, cette générosité-là, non pas pour dire, surtout pas, ne disons pas c'était mieux avant, parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, et il ne faut pas transmettre ça, il faut dire non, pour les femmes, cette libération, cette infériorité naturelle que nous avons vécue, nous, en tant que femmes, maintenant, non. On se bat, il y a une parité, il y a une égalité, donc ça n'était pas mieux avant. Et toutes les femmes qui mouraient en couche, ça n'était pas mieux avant. Et donc ça, toutes ces choses-là, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit entendu, et il faut que nous soyons vigilants. Je parlais, nous parlions d'œuvres littéraires, vous aviez un petit passage à nous faire partager de l'écriture, ou pour parler avec des mots écrits d'Annie Ernaux. Juste ces mots qui sont très simples, mais qui, voilà, ce qui compte pour elle, c'est au contraire, c'est saisir cette durée qui constitue son passage sur la terre à une époque donnée, ce temps qu'il a traversé, ce monde qu'elle a enregistré rien qu'en vivant. Belle rencontre à laquelle vous nous conviez, puisque à la fois il y a cette création à découvrir sur scène au Théâtre des Arts, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre, le jeudi 21 janvier à 19h30, le samedi 23 janvier à 20h30, le jeudi 28 janvier au Dôme de Pontoise à 20h30, et une quatrième représentation qui, elle, sera proposée au mois de février, précisément le vendredi 12 février à 20h30, cette fois-ci à l'Auditorium de Coulanges à Gonesse. Nous parlions de rencontres, il va y avoir cette rencontre, on passera de l'intime à une rencontre partagée avec le public, avec les Cergissois, pour Annie Ernaux, qui est cergissoise, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1975. Elle aime et elle vit parmi nous, ici à Cergy-Pontoise, et cette rencontre aura lieu le vendredi 22 janvier à 19h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy. Peut-être Jean-Joël Le Chapelain nous dire quelques mots concernant bien à la fois cette création, le fait d'accueillir. Je crois qu'il s'agit plus que d'un accueil quand on parle du travail et de cette rencontre entre Annie Ernaux et Jeanne Champagne. Oui, c'est c'est plus qu'un accueil, c'est un accompagnement d'un geste artistique, fait de deux gestes artistiques en l'occurrence. Et donc, ce qu'évoquait Jeanne sur cette rencontre d'exception qui est celle d'un auteur avec un metteur en scène, qui n'est pas un auteur de théâtre, même si on peut faire théâtre de tout, comme le rappelait Jeanne, il faut quand même le talent pour pouvoir extraire des œuvres qui sont plutôt romanesques, et d'extraire la substantifique molle pour la traduire en théâtre, où là c'est une parole vivante, incarnée ou portée par des acteurs. Et donc depuis le début, Jeanne avait souhaité en effet qu'on puisse organiser un moment d'échange avec le public dans lequel cette réalisation qui est le spectacle sur les années puisse être l'occasion d'une rencontre avec l'auteur et la metteuse en scène et la metteur ou metteuse en scène et les acteurs qui porteront cette voix d'Annie Ernaux. Donc il y a un moment qui nous permette aussi et qui permettent à Annie Ernaux en direct de pouvoir réagir sur ce qu'elle pense de tout ça. Alors on sait déjà qu'elle en pense le plus grand bien, puisqu'elle a trouvé, je crois, en Jeanne Champagne une personnalité qui vient donner un autre écho à ses écrits. Et donc on attend beaucoup dans le fait de cette rencontre, en même temps qui est une rencontre conçue avec une grande simplicité dans l'échange et la vérité et la véridicité presque des échanges entre les personnes. Je rappelle pour nos auditeurs que cette rencontre avec Annie Ernaux et Jeanne Champagne et des comédiens qui vont participer, d'ailleurs ils sont combien à la distribution ? Deux. Il y a, pour le spectacle, il y a Agathe Molière et Denis Légémillot. Et en revanche, la lecture sera faite avec Emmanuel Vion et Denis Légémillot. Ce sont des lectures d'extraits de l'œuvre. C'est une traversée. Traversée dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Cette rencontre aura lieu le vendredi 22 janvier à 19h30 à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, comme je l'ai indiqué. Merci, Jeanne Champagne. Non, merci à vous.